Pimper. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je m'appelle Carole Martinez et je vais vous raconter l'histoire du petit garçon qui danse. Léo ne fait pas de vagues. Il est petit, maigrichon, plutôt timide. Mais dès qu'il est tout seul, Léo danse. Il vit avec son père dans une bicoque non loin de la rivière. Un soir, Léo fait la vaisselle pendant que le père regarde la télé au salon. Tout seul dans la cuisine, Léo danse. Le père le surprend en pleine pirouette. Léo s'arrête net, l'eau continue de couler dans l'évier, les assiettes tombent sur le carrelage, raclé. Le lendemain, Léo va pêcher avec le père. Mais il s'ennuie. Et les cailloux qu'il lance dans l'eau effraient les poissons, grogne le père. Alors Léo s'éloigne. Il longe la rivière que le vent froisse et il commence à jouer avec son reflet qui ondule. Seul face à ce reflet, seul face à la rivière, il se met à danser. Il danse. Et toutes les peines se taisent. Il danse et son cœur enfle et déborde. Il danse et à son reflet s'ajoute celui d'une fille qui danse avec lui. Surpris, il se retourne. Mais il n'y a que lui sur la berge. Pas de danseuse. Alors il se penche vers la rivière. Une fillette lui sourit depuis les profondeurs vertes. Elle n'est pas un reflet, non, non. Elle vit sous la surface. Sa danse est une eau vive qui transporte Léo. Elle lui fait signe et ses mouvements sont si harmonieux, si joyeux que le garçon plonge pour la rejoindre. Et les voilà qui virevoltent sous l'eau, ensemble. Léo finit par regagner la berge essoufflé. Il s'assoit dans l'herbe. Et la petite danseuse sort la tête de l'eau pour lui parler. Elle a de grands yeux couleur de source. « Tu t'appelles comment ?» lui demande-t-elle. « Léo. Et toi ?»« Ondine. »« Ah, je suis contente de t'avoir rencontrée. »« Mes sœurs m'ennuient. Elles passent leur temps à se peigner et elles ne s'intéressent qu'à ce qui brille. »« Avec toi, je sens mon cœur qui bat. » « Moi aussi, je suis heureux de te connaître, Ondine. On déménage si souvent avec papa que j'ai jamais le temps de me faire de vrais amis. » Chaque jour, Léo retrouve Ondine au bord de la rivière et ils dansent ensemble. Un matin, Léo arrive en traînant des pieds. Il danse comme on pleure. « Nous partons. Nous allons vivre dans un appartement en ville. »« Mais c'est pas grave. » « Où que tu ailles, je trouverai des passages pour te rejoindre, » le rassure Ondine. « L'eau s'infiltre partout et je suis si petite encore que je me faufile à sa suite. Je suis eau vive, rien ne peut me résister. Je suis eau vive, rien ne peut me contenir. Où que tu sois, je viendrai danser avec toi. » Ondine tient sa promesse. Elle rejoint Léo par les tuyaux, dans les flaques, sous la douche. Elle est dans tous les robinets, dans la moindre petite goutte de pluie, dans chacune de ses larmes. Si bien que le père ne peut plus frapper Léo sans qu'Ondine se fâche et que l'eau déborde de la douche, de l'évier, des WC. Alors le père s'étonne. Bah, à chaque claque, une fuite. C'est extraordinaire. Il comprend rien au phénomène, mais pour éviter d'être douché, il apprend à contenir cette tristesse qui depuis si longtemps l'enrage. Et peu à peu, sa colère s'amenuise, se dégonfle, se riquiquinise. Le père cesse de battre son fils et parfois même, il lui sourit. Le père revit. Seul Léo voit Ondine. Les autres ne l'entendent pas, ne la remarquent pas. Un jour, alors qu'il danse avec elle dans la rue, sous une pluie battante, un homme le surprend. Il ne voit pas la fillette, il voit seulement ce garçon qui la matérialise avec talent. Il voit un enfant tout seul qui pourtant semble accompagné. Un danseur qui dessine un autre corps à ses côtés. Un danseur qui se crée une partenaire invisible. L'homme reste sous l'averse, immobile, bouche bée. C'est un grand professeur de danse. Il s'approche de Léo et il lui propose de lui apprendre tout ce qui lui manque pour devenir un grand danseur. Ondine encourage son amie. Elle assiste à tous ses cours depuis un verre d'eau posé sur le piano. Léo travaille dur. Son père sourit de plus en plus souvent. Et quand Léo est accepté à l'opéra, ils rient ensemble et partent vivre à Paris. Léo et Ondine aiment à se retrouver sur les quais de la Seine. « Je suis venue te dire adieu », lui dit un jour Ondine. « Adieu ?» s'étonne Léo. « Je ne suis plus une enfant. Je deviens trop grande pour me faufiler jusqu'à toi. Il me faudra danser l'un sans l'autre désormais. » Alors Léo se penche vers Ondine et elle lui donne un baiser. Leur tout premier baiser d'amour est un baiser d'adieu. Léo apprend à vivre et à danser sans Ondine. Il pleure parfois, mais à quoi bon, puisqu'elle a déserté ses larmes. Il finit par devenir trop grand lui aussi, pour continuer de l'imaginer à ses côtés. Il travaille sous le regard admiratif et doux de son père. Il danse pour combler sa solitude. Il danse pour le plaisir fou. Il danse pour faire taire les peines. Il danse pour crier, pour parler. Il danse pour danser. Les années ont filé en entrechat. Léo est devenu danseur étoile. Il parcourt le monde et pour lui, les salles de spectacle pleines d'yeux sont des rivières qui scintillent. Un soir d'opéra en plein air, il danse face à un lac. Sous la surface noire et polie de l'eau, il lui semble voir Ondine grandie, qui danse avec lui. Après le ballet, alors qu'il s'interroge, était-elle là? Il bouscule une jeune fille, une fille humaine. Pardon? Ils se regardent et leur corps se fige. Bonsoir, murmure Léo, ému. Vous vous appelez comment? Ondine. Et vous? Léo. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit !